qu'elle se sent des ailes. Dès lors qu'il s'agit de parler, puissions-nous y passer la journée ou la nuit. Échanger, échanger, se taire puis recommencer. Ces phrases concises contre mes idées précises. Mais de ça, il n'est jamais question. Elle n'aime pas les garçons. Lorsqu'elle appelle, inutile de chercher un alibi, il faut aller lui tenir compagnie. Mais de ça, il n'est jamais question. J'ai déjà croisé dans son escalier une brune démaquillée. Elle souriait bizarrement comme si elle descendait du paradis. Mais de ça, il n'est jamais question.